j'irai où la vie me mène. Dans les rues de Marseille, poto, moi je me promène. Maintenant ils le savent, le rap c'est mon domaine. Si tu me soutiens, poto, moi je ferai de même. Je me lève, je suis pas d'humeur, trop de rumeurs. Me sens pas d'aller au taf, je suis pas d'humeur. Toujours la même, pourtant moi j'ai pas changé d'heure. Je vois la vie comme ce jeune grandit sans cœur. J'ai grandi comme ce jeune de quartier. Je suis un vaillant, je vais me débrouiller. La zone, le béton, le palais. Je me suis fait seul, personne n'a parlé. Je le rappe, je le vis, c'est réel. Au réveil, pour sa peine, une photo, c'est réel. Comme sur des guns, des collègues, c'est des folles. L'arcelle, ta daronne, ou le darcelle, ta folle. Je me fais seul, Ryan m'a parlé. Si t'as un tu pètes ou faudra les faire serrer. Fume d'opé, trop ta peine, haine. Tellement de foule, drôle de vie que je mène. Gambino, c'est magique, que de la magie, on fait repeler le moteur. Dans les quatre magiques, je décris ma vie telle qu'elle est. Je nie tous les parasites. J'irai où la vie me mène. Dans les rues de Marseille, proto, moi je me promène. Maintenant ils le savent, le rap c'est mon domaine. Si tu me soutiens, proto, moi je ferai de même. J'irai où la vie me mène. Dans les rues de Marseille, proto, moi je me promène. Maintenant ils le savent, le rap c'est mon domaine. Si tu me soutiens, proto, moi je ferai de même. Qu'est-ce que gringo, pas d'amigo. Demande à Bobo ou demande à Chico. Que je roule, je m'endors dans le bolide. Dans une autre planète, je m'endors dans le bolide. Ramène ton équipe, ton quartier, je les attends. Pour cent cellules qui s'enfument, Peter Pan. KTM levé, cheveux dans le vent. Avant c'était mieux, c'est plus comme avant. Oh mon poteau, moi j'aimerais tout te dire. J'ai fait des choix, j'ai du mal à les dire. Dans mon secteur, la zone, je perds des potes que ça tire. Vaillant, vaillant, c'est consentir. Ramène-toi si je le ramène dans les filets. Bim bam boum, je les baisse dans la foulée. Foulée, une ambine me défoulait. Je les baisse tous, si vous voulez me voir couler. Il s'agit dans mon sommeil. Pour les petits check faire des soleils. Je regarde les étoiles, rêve du sommet. J'éclaire ma ville, je suis le soleil. Tout s'agit dans mon sommeil. Pour les petits check faire des soleils. Je regarde les étoiles, rêve du sommet. J'éclaire ma ville, je suis le soleil. J'irai où la vie me mène. Dans les rues de Marseille, pour tout moi je me prends.